belle ville de Paris, avec une aigre tristesse pour mon chéri. Tous mes amis sont venus au port pour m'accompagner, chacun portait dans ses mains tous mes affaires. Arrivé sur l'eau dansait le navire et tomba un mouchoir blanc moi souris. Enfin je suis à Paris, je marche près de la Seine et sur le pont du Louvre mon cœur pleureux. Déjà au bureau, vis-à-vis la secrétaire, et quand j'entends une sonnette, on m'appelait. Ensuite, je vois devant moi le capitaine du musée. Il était très, très gentil, monsieur Paré. M'embête en disant que j'ai sauté la fenêtre. Ça, c'est pas vrai, mes amis, c'était la porte.